La déclaration de l'Institut coréen des armes nucléaires sur la réussite à l'essai d'explosion d'ogives nucléaires suivant le dessin du Parti du Travail de Corée en matière de renforcement des forces armées nucléaires stratégiques a été reproduite le 9 par les médias étrangers, notamment l'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, les agences de presse Gyodo et Zizi, la radio NHK et les journaux Nihon Keizai Shimbun, Tokyo Shimbun et Mainichi Shimbun du Japon, la télévision presse de l'Iran, la paix des États-Unis et l'agence de presse britannique Reuters.